la tête qui s'agrandit quand le jour baisse pour s'épanouir avec la nuit. J'ai tellement peur que j'en oublie les mille choses de ma vie qui faisaient qu'elle était jolie. Plus qu'un air chaud qui m'accapare, me criant son chant et puis qui part. Il paraît que j'ai le mal de vivre. Oui, c'est de bien jolis mots pour mes pauvres mots qui sonnent toujours faux. Il paraît que j'ai le mal de vivre désormais, que je n'ai plus de comment face à mes regrets. Mais vous, vous savez, puisqu'il paraît, j'aurais voulu les yeux brillants, être aimé de toi jusqu'à 100 ans, et plus encore au-delà des temps. Au lieu de ça, je serre les dents. Toutes les choses qui faisaient que j'apprenais pour me créer, rien qu'un mensonge qui me prépare à être heureuse et puis qui part. Il paraît que j'ai le mal de vivre. Oui, de bien jolis mots pour mes pauvres mots qui sonnent toujours faux. Il paraît que j'ai le mal de vivre désormais, que je n'ai plus de comment face à mes regrets. Mais vous, vous savez, puisqu'il paraît, tout oublier et ne rien dire, une étincelle qui disparaît au fil de l'eau qui n'a rien emporté, seulement le chant qui m'animait, en ne laissant que ce corps vide que vous ne voyez pas vraiment, rien qu'une copie qui se sépare de ce qui fut. Puisqu'il paraît